On the Rocks. C'est une émission vraiment pour le peuple. On the Rocks, même à l'envers, On the Rocks, on peut la faire. Rock, pop, folk, radio show depuis 1992, www.onzerocks.net. Ouais! Quelqu'un va tout à fond, qu'est-ce que vous faites chier avec ces gros merdes? Tu crois que ça va être? Tout à fond! Le rock, c'est tout à fond! Rock and roll. I'm the gun, I bet you don't. On the rocks. Rock and roll. Oh, j'ai une pêche, les gars, wouh! Eh oui, ça faisait longtemps, ça faisait bien longtemps que nous nous étions parlé. Bonsoir à tous, c'est Manu dans The Rocks, comme tous les lundis soirs, à part pendant le mois de juillet et le mois d'août, de 19h30 à 21h30, sur le 96.2 de Radio Arc-en-Ciel, sur www.ontherocks.net et en rediffusion Zef à Blois. Rock and roll. Hey, well, I'm born, I guess, 27 ans, cette année, On The Rocks fête ses 27 ans, et oui, ma bonne dame, ça nous rajeunit pas. Et pour commencer cette 27e saison d'On The Rocks, eh bien, nous allons recevoir dans quelques minutes Mathieu Dufaux, programmateur à la fois de Pop-Up et de la saison de l'Astrolabe. Il viendra nous parler des deux. I'm John and I too play guitar. Sometimes I play the fool. Yeah, give me some. Dans The Rocks aussi ce soir, un hommage assez émouvant, enfin en tout cas une disparition qui m'a beaucoup ému, et on en reparlera quelques instants ce soir dans The Rocks avant une émission spéciale dans 15 jours qui sera consacrée à cet artiste qui vient de nous quitter. Commencer ce soir dans The Rocks, un peu de pêche estivale que je vous ramène. Ça s'appelle The Regrets, groupe de rock américain. Bonsoir Monsieur Dufaux qui vient d'entrer dans les studios avec son habit de lumière. Groupe américain de, comment on pourrait dire ça, c'est une sorte de punk bubblegum, mais alors vraiment ils le font très très bien. Le groupe s'appelle donc The Regrets et sur leur dernier album ils visitent un petit peu tous les états qu'on peut traverser dans une relation amoureuse. Ça va du coup de foudre à la rupture, à la passion, enfin il y a tout y passe, et c'est vraiment un très très bon album. On va se passer un extrait de cet album qui s'appelle Dress Up, et puis juste après encore une nouveauté, Slater Kinney avec Can I Go On, et puis nous recevrons comme il se doit Monsieur Dufaux ici présent. Voici donc le coup de cœur de cette rentrée, de cette 27e année dans The Rocks avec The Regrets, et vous êtes dans The Rocks. Toes, but I can be a savior. I know that it's been said before, but I'll say it again louder for sure. I made a promise, I might have messed up. I said I'd be there, but I'm gonna dress up. I know if you C'était Slater Kinney avec Can I Go On, et puis juste avant The Regrets dans The Rocks avec Dress Up, qui a été un de mes petites craqueries de l'été. Toutes mes autres petites craqueries, je vous les présenterai la semaine prochaine, mais ce soir nous avons un invité de marque puisque Mathieu Dufaux est ici, programmateur de Pop-Up et de l'Astrolabe. Ça tombe bien, on va parler des deux. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Manu. Nous nous loupâmes un petit peu en fin de saison dernière, mais nous allons nous rattraper. Exactement. En pleine forme. Ce soir, on va dérouler un peu la programmation de Pop-Up qui aura lieu le week-end du 13 et 14. Ça y est, je dis peut-être déjà une bêtise. Non, c'est ça. C'est juste 13 et 14 septembre. C'est ça, 13 et 14 septembre. Toujours avec une formule, la formule comparable à ce qu'on a vu. Peut-être des petites innovations. Bah, des lieux supplémentaires associés, des changements de lieux également, puisque la Ruche en Seine fait partie désormais des partenaires du festival. Elle accueillera les radios qui veulent diffuser en direct des showcases et des interviews. Où est donc la Ruche en Seine? La Ruche en Seine, elle est juste à côté du 108, rue de Bourgogne. En fait, d'accord. C'est un lieu, un café-théâtre monté par une association avec des bénévoles et une salariée qui accueille beaucoup de théâtre, de musique, de chant, de conte. Musique un peu plus difficile puisqu'ils rencontrent des difficultés avec le voisinage. C'est un peu récurrent actuellement sur Orléans. Et l'idée, c'était de les associer et d'accueillir malgré tout de la musique, mais l'après-midi, présenter des showcases d'artistes qu'on pourra revoir le soir dans leur lieu respectif, menés de main de maître par toutes les radios qui sont concernées et qui sont concertées pour organiser ces plateaux radio. Voilà, le musée des Beaux-Arts aussi qui est nouveau et qui va accueillir, on a la chance de accueillir Haïku Numérique, qui est une création orléanaise mise en place par Simon Couratier, musicien, saxophoniste, et Allé, qui est technicien, lighteux, informaticien, qui fait plein de choses, qui vont décliner des haïkus, poèmes japonais, de façon numérique et musicale, en musique. Donc je vous réserve la surprise, il y aura plusieurs propositions. On change de déambulation, de performance, comme on avait fait pendant 3 années, on avait fait Weekend Beer Rose devant la cathédrale. Là, c'est une innovation, puisque là, c'est la compagnie Engrenage, une compagnie rennaise, qui est animée par une dizaine de musiciens et de chorégraphes qui vont convertir et qui sont en train de convertir actuellement une quarantaine d'ambassadeurs, ambassadrices volontaires, partenaires avec nos partenaires, qui ont été invités avec nos partenaires comme le CDN, la scène nationale, le centre chorégraphique, à participer. Il suffisait d'avoir envie, pas d'être professionnel de la danse, pas d'être comédien professionnel. Et ils vont participer à une seconde line, à la réalisation d'une seconde line. Seconde line, c'est la seconde line qu'on réalise dans les carnavals, notamment celui qui est la Nouvelle-Orléans, la ville jumelée avec la ville d'Orléans actuellement, où viennent se greffer après le public lambda, en plus d'ambassadeurs et de professionnels ou de gens aguerris à la musique. Donc ça va sentir le carnaval, ça va sentir la Nouvelle-Orléans, également en accueillant... Ça c'est Place du Mar 3 ? Ça c'est... Il y a deux déambulations qui sont prévues, ouais. Place du Mar 3, mais après il y a tout un parcours en ville. Et puis il y a aussi l'inauguration d'une des Music Box Village. Music Box Village, c'est Fred, le directeur de l'Astro, qui en allant à Austin, festival assez reconnu, s'est arrêté à la Nouvelle-Orléans puisqu'il a eu des contacts et ça comportait, c'était juste après le jumelage en fait, donc il a profité de ce moment-là pour s'arrêter avec des camarades professionnels, et là il a rencontré des gens qui lui ont fait visiter ce Music Box Village. Je vous invite à aller parcourir sur internet, c'est assez étonnant. C'est en fait une dizaine de cabanes, mais qui ont tous une fonction d'instrument différente. D'accord. Donc il y en a, on ouvre les volets, ça fait de la musique. Il y en a, on marche sur le parquet, ça en fait d'autres. C'est à la fois des fonctions d'instruments, c'est à la fois, on accueille des gens en résidence dans ces, donc Animal Collective il y a ces journées. Sonic Youth, du moins des membres de Sonic Youth vont travailler aussi là-bas. Les gens du quartier dans lequel ils sont implantés vont travailler, c'est accessible à tout le monde. Et l'idée, c'était comment exporter ce... Alors, pas toutes les boîtes, parce que mais comment en fabriquer une déjà via les Américains qui l'ont réalisée, et comment l'inaugurer, la faire participer au pop-up. C'est chose faite, ça sera une cabine téléphonique qui sera dans lequel vous pourrez crier ou chanter dedans. Et il y a des pavillons au-dessus de la cabine téléphonique qui vont répercuter l'information et la voix avec un espèce de délai naturel et une réverbération naturelle. Je vous dévoile pas tout. Et à cette occasion, il y aura un brunch aux couleurs de la Nouvelle-Orléans où on invitera bien évidemment les Américains à faire des démos de cette cabine téléphonique à un brunch qui sentira la Nouvelle-Orléans, qui sera accessible le midi à partir de 11h30 midi au Jardin de l'Évêché. Pour la maudite somme de 10 euros, vous aurez une belle assiette proposée par Caro, qui est notre cuisinière fidèle depuis quelques années. Ouais. Et il y aura forcément les hip-hoppers Azizel qui viennent également de la Nouvelle-Orléans, qui font du Bouncy, qui eux vont faire une petite démo, un petit clin d'œil avec Rusty Lazer, le DJ. Quoi, voilà, un coup de projecteur quand même sur la Nouvelle-Orléans. On a profité de ce moment-là pour et l'idée à terme, on espère en tout cas, c'est de pouvoir associer des facteurs d'instruments, des luthiers, des architectes, des constructeurs français qui puissent réaliser eux-mêmes ces music box et d'avoir un parc. Pourquoi pas, avec la ville d'Orléans réservée à cet accueil pérenne, ouais, dans lequel la ville d'Orléans pourrait s'emparer et pourrait mener des actions culturelles, accompagner des enfants, des adultes, etc., etc. Donc, work in progress là-dessus. Voilà un peu les nouveautés de l'année, de cette année. Il y en a peut-être sûrement d'autres. On retrouve quelque chose qu'on avait déjà accueilli, c'est les showcases à Polysonic. Ouais. Avec deux groupes, Chaos Rules et Timidité. Et puis, il y a une expo aussi, la collection Trombino Stop, menée par... l'idée, ce couple-là associe les artistes et leur donne des pastels, des choses comme ça. Ils doivent réaliser par un autoportrait la vision de leur musique, comme ils l'entendent, comme ils le veulent. Soit c'est de l'autoportrait, soit c'est autre chose. Et l'idée, c'est de faire une exposition de tout ce que les artistes ont réalisé l'année dernière et les années précédentes, en fait, au centre chorégraphique. Et puis, ils vont perpétuellement, après, abonder avec les nouveaux artistes de pop-up en demandant à certains artistes de continuer à faire des dessins d'eux, en fait. Voilà. Bon, alors, autant vous dire que j'attendais déjà un peu ce festival au pop-up. Combien d'éditions? Quatrième édition de pop-up. Voilà, des innovations. Je vais aller crier dans la cabine téléphonique, moi aussi. Et puis, pour tout ce qui est musical, on va se balader un petit peu dans cette programmation dans The Rock ce soir. Je voulais quand même commencer l'émission par quelque chose qui m'a un peu bouleversé hier soir. Peut-être es-tu au courant, moi je ne l'étais pas, je l'ai appris par hasard, c'est la mort de Neil Casal. Je l'ai appris grâce à toi. Voilà, qui s'est pendu, qui s'est suicidé à 50 balais. Ça tombe presque bien que tu sois là parce que tu vas pouvoir m'épauler sur ce coup, puisque tu avais programmé Easy Malaise, qui était le groupe de Neil Casal. Me semble c'était toi qui l'avais programmé. Non. C'était pas toi. Non, pas à l'Astrolabe. D'accord. Je pense que ça a été au théâtre Gérard Philippe. C'était pas l'Astro qui programmait. Non, je crois que soit c'est au théâtre Gérard Philippe ou soit c'était peut-être au Caveau des Trois Maris. Au Caveau des Trois Maris. Il a joué aux deux endroits. Ouais, le nouveau Caveau des Trois Maris. L'ancien. Il a joué à l'ancien Caveau des Trois Maris tout seul, guitare acoustique, piano à queue, c'était magnifique. Et il est revenu avec son groupe Easy Malaise quelques années plus tard en 2004, je suis persuadé que c'était toi qui avais programmé à la Source. Ouais, au théâtre Gérard Philippe, un peu plus soporifique, le théâtre ne s'y prêtait pas vraiment. Mais en tout cas, Neil Casal, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'était pour moi vraiment un artiste majeur, un songwriter incroyable, américain, pour moi, de la marque vraiment des plus grands. Et j'avais eu la chance de l'interviewer en 2004, et j'étais tombé sur un type absolument charmant, avec pas mal de cicatrices, mais d'une douceur, et voilà. Il a fait une bonne dizaine d'albums solo entre 90 et 2004, qui sont tous des chefs-d'œuvre, qui sont tous vraiment magnifiques à l'égal d'un Jackson Brown, peut-être des premières époques, vraiment très très bon. Et puis le succès n'étant pas au rendez-vous, il s'est mis à très très bon guitariste, multi-instrumentiste, mais très bon guitariste. Il a commencé à jouer de la guitare derrière Ryan Adams d'abord, dans son groupe, et puis surtout ces dernières années derrière Chris Robinson, avec son groupe Chris Robinson Brotherhood, le chanteur des Black Crowes. Il jouait magnifiquement de la guitare pour ces gens qui composaient des morceaux qui, à mon avis, étaient largement moins bons que les siens. J'attendais qu'il revienne avec des compos personnels. Il était là, barré dans un groupe plutôt psychédélique. Et donc, il s'est suicidé il y a quelques jours. Ça m'a un peu scotché hier soir. J'ai replongé dans les archives parce que, En 27 ans de radio, j'en ai croisé quelques-uns et j'ai fait quelques interviews. Et ceux qui m'ont vraiment marqué, touché et qui m'ont illuminé, comme Lassa, comme d'autres, ils se comptent sur les doigts des deux mains. Et lui, il en fait partie. Alors pour lui rendre hommage, on va se passer un morceau qui s'appelle SoundCloud pour commencer l'émission. Enchaîné avec un petit bout de l'interview qu'il m'avait accordé. Et du coup, avec le recul, ça fait un petit peu froid dans le dos. Et puis, juste un autre morceau de lui. Et dans 15 jours, il y aura une émission spéciale, puisque les rares médias qui en ont parlé, en tout cas en France, le décrivent comme le guitariste de Ryan Adams et comme le guitariste de Chris Robinson. Je vous assure que sa carrière solo est vraiment au-dessus de tout ça. Donc voilà, j'ai envie de réhabiliter ceci. On se passe un petit bout de Neil Casal. Là, ça va pas être la partie la plus sautillante de l'émission. Et après, on plonge dans un pop-up. This is Neil Casal and you're listening to Les Rock, c'est tout à fond. Thank you. Is that okay? In my time, I have seen far too much. I've seen more than enough of my share in this world. And in my day, I've seen friends fade away. And I've heard people say, there's no trust anymore. You wouldn't take me as your lover. Light. Yeah. You Are you happy these days? I read. Es-tu heureux en ce moment? J'ai lu dans la presse que l'enregistrement de cet album avait fait suite à une période très très difficile pour toi. Et j'aimerais savoir ce soir comment tu vas, comment tu te sens. I'm doing much better now. Je vais mieux. A bad year for sure. J'ai passé une très mauvaise année et l'année qui vient de passer fut sans doute l'une des plus difficiles de ma vie. J'ai eu des problèmes personnels graves dont je ne veux pas donner tous les détails ici. I had some personal problems, you know. I won't really discuss the details now. The last Mes trois ou quatre dernières années ont été très très dures. J'ai d'abord divorcé en l'an 2000, j'ai dû partir à Los Angeles, mon père est mort, un de mes amis est mort d'un coma éthylique dans le désert, une autre de mes amies proches, Shelby, une excellente songwriter, est morte l'année dernière. Et ça arrivait continuellement, ces mauvaises choses. Et durant cette période, pour être honnête, j'ai été très autodestructeur. Je n'ai rien fait pour m'aider moi-même. Je pense que les mauvaises choses ne me sont pas arrivées, mais que je les ai provoquées en partie. So it's not just. It wasn't only things happening to me. I was making bad things happen too. You know. So. Est-ce que la musique peut être un remède dans ces moments-là? Is music a cure? Well, excuse me. Peut-être. It can be. I mean, I don't always really think that music should be used for medicinal purposes. C'est définitivement un espace où se focalisent les mauvais, les bons moments. Je dois être prudent quand je dis que c'est un remède. My feelings, je ne sais pas, you know, mais je vais mieux. A bad day or a good day. So yeah, it can be used as a cure. I don't know. I have to be careful. How to say that, but yes, it can be used as a cure. Je pense que le pire de la tempête est derrière moi. I'm doing really well right now. I think I've gone through the worst of the storm, at least for now. Tout ce que je peux te dire, c'est que tes disques sont ceux qui rendent la vie plus belle, alors merci pour ça. Merci, ce que tu me dis justifie tout, merci, c'est la raison pour laquelle je fais ce chemin pour chanter ici, pour vous, alors merci, merci vraiment. That's the reason why I do this. That's the reason why I've come all this way to play for you, so thanks for saying it. Neil Casal, comme il avait pu l'interpréter ce morceau au Chaos des Trois Maris, justement. Neil Casal, donc, qui vient de nous quitter, et il est très très bon photographe également. Si vous avez l'occasion de jeter un œil sur son travail photographique, photographe assez génial. Donc, à l'instar d'un Elliott Smith, superbe artiste. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours dans The Rock. On n'aura pas assez de 2 heures, à mon avis, pour retracer tout ça. Moi, je me rappelais d'un. Je me rappelle d'avoir découvert cet artiste grâce à un monsieur qui s'appelle Michel Pamplune, qui est un peu le label Fargo, dans lequel il y a eu Aléla Diane, le premier album, plein de choses magnifiques. Un monsieur qui était passionné par la musique, qui est toujours, que je croise moins, mais qui nous faisait découvrir que des perles comme ça. Il n'y avait pas un mauvais album chez Fargo à l'époque. Voilà. Tout ce qui est folk, pop, voilà. Americana, il y avait vraiment une marque de fabrique. Ce gars-là était passionné, il passait son temps au téléphone, il faisait partie des gens qui ont des petits labels, comme il y en a d'autres en France, et qui sont derrière, en train d'essayer de faire vivre la musique et puis les artistes pour lesquels ils travaillent, avec comme Talitro Records, un autre registre à Bordeaux. Ouais. C'est les mêmes gars. Et c'est vrai qu'il a sorti quelques albums chez ce label-là. Quasiment tous les albums solo de Neil Casals sont chez Fargo. Et voilà. Et ça date de pas mal de temps, parce que les premiers albums que j'ai dû recevoir, c'était au début de l'Astrolabe, je pense. Ouais, c'est ça. C'est ses premiers albums solo, c'est 80, je dirais 93, 94. Ouais, j'ai dû recevoir quelques-uns après. Voilà, 10 années d'albums solo fantastiques. Et puis voilà. Alors il y a des collaborations dans tous les sens. On en reparlera, mais avec des géants de la musique. Mais voilà. À la fois, j'espère que les gens vont le redécouvrir. Et à la fois, ça sera dommage qu'une fois encore, ça soit redécouvert après sa mort, assez tragique. On va repasser à des choses un peu plus joyeuses maintenant. Rendez-vous Neil Casals dans 15 jours. Vendredi 13 septembre, samedi 14 septembre, si vous êtes à Orléans, même si vous n'y êtes pas. Ce sera Hop Hop Hop et vous pouvez y venir. Très très beau festival organisé par En Marge de l'Astrolabe, on peut dire un petit peu. C'est pas vraiment, on peut dire ça. C'est l'Astrolabe qui pilote, mais on a la chance d'avoir des partenaires, puisqu'il y a des associations qui participent à la programmation. Il y a le Bouillon également qui participe à la programmation. Il y a 120, 130, 140 bénévoles qui sont sur le festival, soit avant, soit pendant, soit après, pour nous donner un sacré coup de main. Il y a tous les techniciens salariés qu'on embauche et qui sont là aussi et qui participent à l'événement. Donc voilà, c'est un événement assez collectif, même s'il est piloté par l'Astro. On n'est pas tout seul dans le navire. Et voilà. On est en plein dedans. On est en plein de préparation. On a tous commencé depuis une semaine, voire deux. Et voilà. Assez serein pour l'instant. Et puis, hâte d'y être. Ouais. Et moi aussi. Combien d'artistes? 35 sur la programmation payante, et puis comme on communique, et puis après il y a Red Light Crosser en plus, qui est la déambulation, il y a les deux artistes proposés à Polysonic, plus Haïku numérique également, donc on est à pas loin d'une 40 quoi. Bon, et pour une somme modique sur soit une journée, soit les deux jours, vous pouvez voir donc. Alors, on peut pas voir les 35 puisque forcément certains concerts se chevauchent, vu le nombre de participants et vu le nombre de lieux. Mais en tout cas, vous pouvez faire votre marché. Alors, on va vous aider un petit peu ce soir avec Mathieu à vous donner envie. Le principe est toujours le même, c'est-à-dire que dès que j'ai une bêtise, tu me lances un truc. Le principe est toujours le même, c'est-à-dire des artistes plutôt en développement, des artistes, il n'y a pas des grosses têtes d'affiche comme on peut avoir sur certains autres festivals comme Cure à Rock en Seine. On en reparlera la semaine prochaine. C'est plutôt des artistes émergents, des choses que tu nous fais découvrir. Alors, on disait ça l'année dernière, il y avait quand même une mini tête d'affiche, c'était les Mignanas, qui était un petit peu au-dessus. Cette année, alors on va voir si. On peut dire à Arnaud Robotini, qui a été récompensé pour sa musique originale sur le 120 battements par minute, qui est un mec qui officie depuis une vingtaine d'années. Hein. Il n'a pas attendu d'officier, on l'a déjà accueilli à l'Astrolabe, mais il a eu ce coup de projecteur qui lui a permis de faire davantage de concerts, tant mieux, il le mérite, c'est un artiste formidable. Altingun, qu'on a déjà accueilli à l'Astrolabe et qui sort son deuxième album et qui est un peu plus en vue maintenant. Et puis j'allais dire Voodoo Game. Ouais, on peut le dire. Quand même Voodoo Game, c'est quand même voilà. Alors Voodoo Game, pour ceux qui ne connaissent pas, Mathieu va vous décrire un peu ce que c'est. Et après, en même temps, quoi qu'ils disent, dès que je vais balancer la musique, vous allez comprendre très très bien ce que c'est. C'est-à-dire que c'est quelque chose où c'est un petit peu impossible de rester immobile. C'est impossible de rester immobile. C'est deux Africains avec des musiciens français qui proposent une musique groove, mais vraiment au service du groove, avec des textes en anglais et en français. Texte en français. Assez désopilant, une musique ultra communicative, chaloupée. Moi, je les ai revus il n'y a pas très longtemps au Festival Générique, ce qui m'a donné envie avec Bill de les reprogrammer dans le cadre de ce festival. Et puis, comme on avait fait Jupiter on the Quest et puis des gens comme ça l'année dernière, on voulait aussi reconduire cette ouverture musicale et puis avoir de la place pour ce genre de musique qui à la fois à sa place sur scène, c'est des bêtes de scène. Lui, l'enchanteur leader, il raconte tout un tas d'histoires autour. Voilà, il est impliqué dans sa musique et dans la réalisation de ses textes, et qu'il est chouette à voir. Légèrement charismatique. Ah ouais, une machine de guerre. Il a un côté Jupiter on the Quest, c'est-à-dire pas pour la même raison, mais je vous dévoile pas tout, mais il prend le dessus ouais, sur scène et on l'entend, on le voit, il est voilà. Et moi je vous invite à découvrir cette musique si vous ne l'avez pas fait. Et c'est marrant parce que Jupiter l'année dernière, moi j'entendais à l'issue de leur concert, personne, j'avais pas forcément misé sur autant de personnes devant ce concert-là. Et il se trouve que ça a fédéré et ça a rempli les gens. Et même les gens qui étaient fans de métal, de rock, etc., ont été touchés par ce concert-là parce qu'il y a une telle implication, il y a un tel groove, c'est tellement bien fait qu'on n'est pas sensible. Et je pense que Voodoo me procurera les mêmes sensations quoi. Ce sera le samedi donc le samedi 14, ce sera dans le jardin de l'évêché, ce sera de 21h50 à 22h50, 22h53 peut-être avec eux, non, ça va peut-être déborder un poil. Bah, l'idée c'est que ça ne déborde pas. C'est que ça déborde que pas, un ouais, festival, parce que on sinon, est d'accord. Sinon, les suivants ont moins oui, de place. Mais oui, c'est ça. Et donc, si vous avez passé l'été avec votre tante qui vous a paru un peu épuisée, eh bien, vous allez comprendre pourquoi dans cette chanson. C'est parti. Wow. seront en concert le samedi 14 septembre. Ce sera dans les jardins de l'évêché et ce sera le début de la soirée, une soirée un peu torride, donc à Hop Hop Hop à 20h. Quelle heure j'ai dit? J'ai dit 21h50. C'est ça. C'est ça. C'est écrit petit hein, pour les gens de mon âge, hein, c'est compliqué. Hein, ouais. Mais normalement, les gens de mon âge ne vont plus voir les concerts, c'est ça le... Non, mais c'est partagé, tu sais. Je me foutais de la gueule des gens qui faisaient la même remarque les bras trop courts. Il y a 20 ans. Et voilà. puis et ça, tu y es là. Là, j'y suis. Et y est. Mathieu Dufaux est avec nous ce soir, donc qui va nous décortiquer un petit peu cette programmation de Pop-Up. Juste un petit coup d'œil dans le rétroviseur. Ça s'est très bien passé l'année dernière. Ça s'est très bien passé. Nous sommes en 2018. Oui, 2018 a été une très très bonne année en termes de fréquentation. 2019 a été une bonne année pour les propositions réalisées. Ça a suivi un peu moins. Donc on verra. Ça a suivi un peu moins à quel niveau? En termes de fréquentation. D'accord. Voilà. Mais voilà. Par contre, on a fait des tentatives. Moi, je me rappelle que le premier trimestre c'était pas mal. On avait ouvert un peu avec beaucoup de musique groove, ce qu'on n'avait pas fait aussi de façon intense, et voilà. Les clubs fonctionnent, les gens commencent à venir au club sans connaître forcément l'artiste en lui-même. Alors c'est encore marginal, mais comme on a changé notre politique de prix là, pour rappel, le club n'est pas au-delà de... Il n'y a pas d'un club organisé par l'Antirouille et l'asso qui gère l'Astrolabe, hein, au-delà de 10 euros. Voilà. Après, les assos sont libres de leur prix, bien évidemment. 8 euros en prévente et 5 euros pour les abonnés. Et l'idée, c'est de comment inviter à la curiosité et comment se pas ruiner la santé si on est fan de musique et qu'on a envie de découvrir, parce que normalement, un prix normal sur un club avec les coûts des artistes devrait être entre 14 et 18 euros. Mmh. On a décidé de prendre ça, nous, en main, et d'investir des ressources là-dessus. Et c'est vrai que je commence à entendre quelques réflexions, quelques observations sur « Oh, bah, j'ai vu que c'était groove, j'y vais. » Moi, de façon générique, en fait. Sans connaître forcément l'artiste. Il y a des gens qui... Ah, c'est vrai que vous avez fait fort dans les prog, Michel David. Enfin, dans la prog, il y a eu beaucoup de plantades au niveau du groove, quoi. Ouais. Et, depuis Sharon Jones. Ouais, il y a eu ce trimestre-là là, qui a permis de faire découvrir pas mal de choses. Donc, ça, c'est plutôt une petite satisfaction, quand même. Et on va essayer. Alors, c'est toujours délicat. On essaye de toujours contenter tout le monde, d'avoir un trimestre équilibré. C'est pas toujours le cas. Voilà. Moi, j'ai passé beaucoup plus pas de cas, temps. Je trouve sur celui qui vient. Écoute, moi, j'ai passé plus de temps on a passé plus de temps à s'occuper de Pop-Up et j'ai moi passé de temps à m'occuper de la prog. J'ai fait des choses. Hein. On propose quand même des belles choses. Mais voilà, j'ai pas passé de temps requis et suffisant pour être complètement satisfait de ce qui est proposé. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Hein. C'était un peu plus laborieux. Tu t'y reconnais un peu moins dans la prog là qui vient? C'est pas je me reconnais, mais j'ai c'est moins équilibré. C'est aussi bien en termes de date par mois, etc. D'accord. Voilà, il y a des choses que. Par contre, là où il y a une certaine satisfaction, c'est au-delà de la programmation, c'est aussi l'accueil des assos. Il y a plusieurs nouvelles associations qui se mobilisent à l'Astrolabe et qui vont se mobiliser dans les prochains trimestres. Et ça, c'est plutôt chouette. Des jeunes assos qui sont motivés et mobilisés par organiser des concerts à l'Astro. Donc ça, c'est chouette. Au moment où les lieux ferment, ou se font fermer par la ville d'Orléans, ou qui sont pas soutenus, qui sont pas accompagnés par la ville comme ils devraient l'être, nous, on n'est pas de réponse à tout ça, mais voilà. Donc soyons vigilants là-dessus. Et les assos, il y en a certaines qui organisent dans ces lieux-là. Il reste plus que nous, mais on pourra pas satisfaire la totalité des propositions des assos et des groupes. Donc soyons, donnons la possibilité à des lieux d'être accompagnés, d'être guidés par la ville. Je pense que c'est le rôle d'une ville d'accompagner ces lieux-là, de leur dire comment faire pour que la ville vive et que se dote d'une vie culturelle et en hypersante active. Il suffit pas d'avoir l'ambition d'avoir une ville vivante. Il faut aussi accompagner des gens dont c'est pas le métier, dont c'est pas la profession. Et je trouve qu'il y a un peu d'inertie de la part de la municipalité de la ville d'Orléans à ce sujet-là. Et ça serait bien que les gens soient attentifs à ça. Donc là, je prends l'exemple du Kitchen Custom, qui est un lieu qui était dédié au vélo et qui organisait des concerts aussi dans son sous-sol, et qui va fermer pour plein de raisons, à la fois parce que son activité avait du mal à fonctionner, mais aussi parce qu'il peut plus organiser ces concerts-là, les associations, voilà. Donc nous, donc les assos existent et on les accueille. Donc là, c'est la satisfaction du moment, c'est d'avoir plusieurs assos qui se mobilisent et des jeunes assos qui se créent. Donc il y a des organisateurs récents qui débarquent. Et puis avec une programmation, on continue dans le groove, parce que quand on parle de Mélissa Laveau, J.S. Ondara, etc. Le chanteur, ex-chanteur des Gladiators, qui Clinton Ferron, qui a une voix fabuleuse, qui est un super gars, qu'on avait fait en guitare-voix aux 10 ans de l'Astrolabe au conservatoire. Donc il y a la place pour ces gars-là. Et c'est effectivement, les gens vont s'y retrouver là, tous les amateurs de ce genre de musique. Bon, on se plongera dans la programmation de l'Astrolabe tout à l'heure. On va revenir un petit peu au pop-up. Si tout se passe bien, je ferai l'interview de ce groupe qui m'a, moi, bien tapé dans l'oreille. Le dernier album est vraiment très bien. Si vous aimez les Beatles première période un peu 60s, eh bien, les Beatles 60s en même temps, c'est compliqué de faire autre chose. Mais première période des 60s, ça devrait vous plaire. Ça s'appelle Misty Braves. Voilà, un groupe, je sais pas où tu l'as déniché celui-là, mais franchement, c'est très très bien. Un groupe que j'ai écouté l'année en cours de la programmation de Pop-Up, que j'ai découvert comme ça, que je suis allé voir, que j'ai écouté, et je trouve que leurs compositions sont magnifiques. Ouais, on est d'accord. J'ai jamais vu en live pour le coup, hein, parmi les groupes qu'on programme à Pop-Up, on les a pas tous vus en live. Il y a des coups de cœur à un moment, on y va, on se renseigne avec Fred, etc. Et puis on y va et on prend des paris. Tu parlais de 60s, tu parlais de guitare, tu parlais de pop, tu parlais un peu de garage psyché, tout ça, c'est un mélange de tout ça qui est assez bien réalisé. C'est du garage cool, hein. Ouais, bien sûr. C'est du garage tranquille, hein. Ouais. Mais ça sent les États-Unis quand même pas mal. Tout à fait. Ouais. Et on est en plein dedans. Ils ont une belle attitude, des bonnes gueules quand même sur scène. Allez voir les vidéos. Il y a quelques vidéos live qui sont réalisées pour le coup. Et puis les compos sont vraiment tiennent la route sur l'ensemble de l'album. Mystic Braves, ce sera donc au CCNO. Ce sera le vendredi de 21h15 à 22h. Et il y aura une petite interview normalement pour On The Rocks. Alors l'équipe de Pop-Up m'a dit: est-ce que tu veux un traducteur? Génial. Enfin, une interview en fait d'On The Rocks va enfin être bien traduite, donc c'est peut-être en 27 ans c'est la première. Et puis on va enchaîner le morceau, on va s'enchaîner deux morceaux avec un autre groupe qui moi me tente beaucoup. Cette fois c'est le lendemain soir, scène nationale, c'est The Mystery Lights. Mystery Lights qui joueront de 23h15 à minuit 15, et là c'est un petit peu plus velu, on va dire. Et c'est vraiment très très bien. Ouais, c'est un peu plus velu, c'est aussi américain. Alors, ce que je suis en train de regarder sur le texte de présentation, je crois qu'il y a eu une erreur de... parce c'est pour le théâtre ? Le label, non, le label en l'occurrence, c'était de l'ancien label. Là, le label, le label de... Il y a marqué Rick Records. Ouais, mais tu sais, le label la black qui chante de la soul, qui est décédée il n'y a pas très longtemps, Sharon Jones. Sharon Jones, donc c'est Daftone. Voilà, et je crois que c'est sur la signature rock de Daftone. Exact, c'est sur Daftone. Puisque j'ai reçu un mail. Moi je crois, je suis sûr même. Moi aussi en fait. Et donc c'est la première signature rock, je crois, de Daftone Records. Alors c'est pas complètement lointain de leur préoccupation soul, parce que les racines sont les mêmes. Mais c'est plus garage là pour le coup. Mais là, pour le coup, c'est moins pop que le Mystic Braves, ça rentre plus dans l'art. C'est le dernier album qui vient de sortir sur ce label là parce que les précédents étaient sur d'autres labels. Alors pour vous donner une idée, c'est le genre d'album et le genre de morceau qu'on pourrait très très bien retrouver dans un film de Tarantino. Complètement. Hein. Ouais, ça sonne bien ce que tu dis là. Ça sonne bien. Donc Misty Braves avec Under Control, enchaîné avec Mystery Lights avec What Happens When You Turn The Devil Down. Tout ça c'est dans On The Rocks, et ce sera le vendredi et le samedi à Hop Hop Hop, et je peux vous dire que j'y serai aux deux. We'll 23h15 au Théâtre d'Orléans, scène nationale. Ce sera ce groupe Mystery Light. Alors là, je suis vraiment pressé de voir ça sur scène. Autant j'ai adoré l'album des Mystic Braves, mais j'espère qu'ils apportent un tout petit peu de folie sur scène, parce que du coup, ça peut être un peu plan-plan, vu l'album, qui est magnifique. Alors là, par contre, je me fais pas trop de soucis. Ça hurle un peu, Mystery Light. Ça risque d'être très très bien. On est toujours dans On The Rocks et on est toujours avec Mathieu Dufaux pour se visiter la programmation de Pop-Up. Et j'aimerais maintenant qu'on parle de quelqu'un qui, elle, puisque c'est une dame, va passer au CCNO cette fois. Ce sera le vendredi. Et ce sera à 19h15. C'est quelqu'un qui tenait la basse et qui tient toujours la basse régulièrement dans un de mes groupes franco-anglais, parce que c'est un peu français aussi, qui s'appelle This Is The Kit, qui a sorti un magnifique album il y a 2 ans, qui est vraiment très très bien. Ça pourrait être le genre de groupe qui passe à l'astro, ça d'ailleurs, This Is The Kit. C'est vrai. Et donc elle, c'est Rosie Plain. Elle est anglaise et elle vient de livrer je crois que c'est son premier album solo, en tout cas un album solo. Qui est magnifique. Qui est très beau, qui est un peu étrange, qui est un peu, c'est à la fois folk, mais c'est un peu folk, un peu barré, si un vous peu aimez, pop. Un peu pop, si vous aimez, un peu dans la lignée de Coco Rosie, on peut dire un peu ce genre de choses. Il y a un peu cet état d'esprit là. Alors faut rappeler qu'elle le défend en groupe, son album, pour le coup, puisqu'il y a comme tu disais si bien, il y a des musiciens français qui l'accompagnent, pas que des musiciens français, mais des musiciens. C'est marrant parce qu'il y a un des musiciens qui programme un festival le même week-end que Pop-Up, qui s'appelle le Coconut Music Festival, qui a lieu à Sainte. Et il pourra pas venir au festival au Pop-Up parce que lui, étant lui-même programmateur de ce festival, et il accueille le groupe dans lequel il joue, donc il va jouer dans son festival, il s'appelle Rosie Plain, et elle a une super belle voix, elle en t'en parlait assez justement, elle a des instrumentations assez chouettes, assez fines, je trouve. C'est délicat de placer ce genre de groupe parce que c'est, hormis l'institut où il y a ce cadre un peu de contemplation, on peut voilà écouter, mais on a pris le parti pris de se dire bon, on va le mettre dans une autre scène et puis les gens vont l'écouter religieusement, j'espère en tout cas, et pouvoir écouter aussi la musique posée en début de festival. J'ai hâte de la voir. Ouais, moi aussi, j'aime beaucoup son album. Il est intriguant son album, très intriguant. On va se passer un morceau qui s'appelle Quiz, et donc je vous rappelle que Rosie Plain, qu'on va entendre maintenant tout de suite, sera en concert à Opopop, ce sera vendredi. Rosie Plain, effectivement, ça donne envie d'aller voir ce que ça donne en vrai. Ce sera... Non, pop-up, ce sera le vendredi de 19h15 pardon, à 20h15. Ce sera au CCNO. On passe au samedi maintenant, scène nationale. Si vous aimez les... Bah, c'est de la pop, hein, si vous aimez la pop et si vous aimez les chanteurs au nom de fromage, comme Paolo Conte ou Buffalo Tom ou Jean Roquefort, je savais que j'aurais pas dû la faire celle-là. Eh bien, ce sera Jonathan Brie qui jouera de 19h à 20h, scène nationale. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce chanteur fromager? Jonathan Brie, il a sorti un album que moi j'écoute depuis très très très longtemps, teinté de pop, un peu. Alors, il a particularité aussi de jouer avec ses musiciens et ses danseuses masquées, dont on ne verra jamais le visage de Jonathan Brie, aucune interview qui est donnée, qui est accordée, ou alors peut-être par internet, etc. Il y a un morceau dont je me souviens plus du titre, mais qui me rentre dans le crâne depuis que j'écoute cet album-là. C'est quelqu'un qui vient des Antipodes, donc un peu très très loin, là, de Nouvelle-Zélande, et content de l'avoir au festival, d'avoir cette opportunité d'accueillir Il a défendu son album déjà à plusieurs reprises en France, du moins une première fois, et il y avait cette opportunité-là, au final, qui s'est calé vraiment au dernier moment. C'était quelqu'un que je pistais, mais qu'on avait... le tourneur me disait, et en fait, on va pouvoir... Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui l'attendent, en tout cas, pour aller le voir, pour vraiment le voir une première fois, puisqu'il a... Et sans le voir, en fait. Sans le voir. C'est ça. Et il sera accompagné de deux danseuses, pour le coup. Masqué également. Et un batteur aussi, qui n'était pas là. Sur les précédentes tournées, il n'y avait pas de batteur. Un batteur masqué, c'est chaud. C'est ça. D'accord, c'est du coup à se taper sur les doigts. Donc, Jonathan Brie, avec le morceau que j'ai choisi, c'est le morceau Laptop. Allons-y. Ça te va, ça? Écoutons ça. Ben, c'est parti. A laptop and your cat, just love for which you really care out there. All the ugly people there work on pay taxes and procreate. Thank you. Et oui, ce petit houhou, Dudu, je l'avais bien entendu au 0238-43-48-00, elle avait bien entendu ce houhou des Pixies, rappeler un peu le houhou du morceau qu'on a entendu juste avant de Jonathan Bree. Ça m'a permis de faire un petit cadeau à Mathieu Dufault, qui, je crois, goûte les Pixies. Ils goûtent les Pixies, ils seront pas à l'Astrolabe, ils seront pas au pop-up. Ils seront pas au pop-up. En même temps, c'est pas grave, je les ai vus il y a 2 ans aux escales de Saint-Nazaire, c'est pas grave. Vaut mieux compter les LCT, c'était interprété avec une finesse. Mais par contre, j'ai bien hâte d'aller voir Jonathan Bree, intriguant aussi, 19h, 20h, ce sera scène nationale dans Pop-Up, et ce sera samedi soir. Alors il y a un peu de tout dans Pop-Up, c'est ça qui fait la richesse aussi de ce festival, c'est qu'on peut passer à de la pop, à du rock garage comme on disait, à du hip-hop, à de la musique électro, et on va même voyager un peu puisque tu nous emmènes dans ta programmation, Mathieu, jusqu'à Madagascar. Malgache avec les artisans du tsapiki, pardon, c'est musique traditionnelle malgache, qui est musique qui est développée là-bas beaucoup. Tous les malgaches musiciens qui développent cette musique-là n'ont pas la chance forcément de sortir de leur pays, mais il se trouve que Damili, qui est encore une trouvaille du label Bongo Joe Records, et ils ont vraiment le nez fin, ils trouvent des choses assez... rappelons-nous que Altingun, les deux premiers 45 tours, le premier album, c'est chez eux que ça tourne, c'est des Suisses. Ils ont plein de Turcs qui sont signés chez eux, ils ont plein d'un... Je vous invite vraiment à découvrir ce label-là. Et Damili va ouvrir le Jardin de l'Évêché. Alors on aurait dû leur mettre 3 heures de musique, parce que c'est le format traditionnel qu'ils ont pour ce genre de musique. Malheureusement, ils n'auront que le loisir d'en faire qu'une heure. C'est assez frustrant, effectivement, parce que c'est une musique également on parlait de notre ami Voodoo Game, c'est moins aussi percutant que Voodoo Game dans la rythmique, mais c'est tout aussi lancinant et ça invite à la danse vraiment. Musique traditionnelle mais agrémentée d'instruments à la fois créés pour l'occasion ou des instruments traditionnels qu'on retrouve dans d'autres groupes. Une très très belle voix. J'ai découvert ça grâce à un ami d'Angers en fait qui les a accueillis et qui me les a recommandés, et puis après avoir écouté et tout ça, je me suis dit que ça pouvait avoir sa place encore une fois dans ce festival là. On prêche le rock, on prêche aussi ces musiques là qu'on la place dans Hop Hop Hop, et c'est l'occasion de les faire en tout cas. Voilà, donc moi j'ai hâte vraiment de les voir sur scène, et puis d'ouvrir ce Jardin de l'Évêché. Ça va être un petit rayon de soleil qui va passer 16h15. Ouais, c'est ça. L'année dernière, si ma mémoire est bonne, tu avais mis Jupiter non seulement dans le Jardin de l'Évêché mais également en brunch à la Sardine. Ça, c'est pas possible à cause des fêtes de Loire. Oui, la Sardine n'ouvre pas à cet endroit-là, en fait. Ce sera place du guichet de moi. Donc, il y aura plus la guinguette. Il y aura une autre guinguette qui va s'appeler toujours la Sardine. Et en l'occurrence, la semaine pendant au pop-up, c'est la semaine où tout s'installe chez. Donc, on pourra pas profiter de la Sardine et du bord de Loire. Voilà, c'est ça. Ils préparent et le festival a lieu la semaine d'après. L'année prochaine. Exactement. Damili, donc, avec Manitani, que on pourrait traduire, Mathieu, par. Voilà, c'est maintenant. C'est tout de suite. La vraie traduction, c'est ça, mais enfin, je vois que tu maîtrises. Damili, et donc ce sera Pop-Up. Oh, Lazekarera. Oh, your name is Lazekarina. Oh, Lazekarera. Marari Naikuzavo, Lazekarera, Baba. I was told I'd find I'm the one. À l'instant, c'était un extrait du dernier album de Vampire Weekend. C'était Rich Man avec ce morceau qui lorgne du côté de l'Afrique. Et ils n'ont jamais été aussi proches de Paul Simon, les Vampire Weekend, sur leur dernier album. Je vous conseille vraiment cet album. Il y a des choses assez magnifiques dessus si vous aimez le style. Et puis juste avant, c'était Damili avec Manitani, un morceau qu'ils joueront peut-être à Hop Hop Hop. Ce sera le week-end du vendredi 13 septembre et samedi 14 septembre. On va terminer ce petit survol de la programmation d'Hop Hop Hop. On aurait pu, il y a plus de 30 groupes, hein, donc ça a été un peu compliqué. En 1h30, 2h, je t'ai demandé, est-ce qu'il y a un groupe dont tu aimerais qu'on parle et que je n'ai pas programmé moi ? Et tu m'as dit, oui, Squid. Ouais, Squid, pour les avoir vus à Brighton, qui est un groupe qui vient de ce coin-là, qui est un groupe qui jouait chez Louis dans le cadre du Great Escape, groupe de rock, groupe avec des structures un peu syncopées, un peu étranges, une formation singulière, super bon musicien, ça a été un des coups de cœur, avec un autre groupe qui malheureusement a annulé, qui est Crack Cloud, qui devait venir à Hop Hop Hop et qui sera pas là, qui est remplacé par un autre groupe. Voilà, ça faisait partie des deux groupes rock un peu avec des formats et des formats pas traditionnels c'est des groupes de rock, hein, avec des parcours assez atypiques aussi par rapport à ces deux groupes là et des groupes je pense qui vont marquer la musique parce que pour les avoir vus et les avoir Crack Cloud, je les ai vus il y a très peu de temps au festival Check-in Party qui était en Creuse là le week-end dernier. Ouais. Très très beau festival, très belle édition, bravo. Et puis Squid, je les ai vus à Brighton également et voilà. Moi c'est un petit coup de cœur, il y en a plusieurs hein, des coups de cœur t'en as parlé un peu mais il en manque encore. Mais voilà, je vous invite vraiment à parcourir, il y a des playlists qui sont disponibles sur Spotify, il y a les attachés à la communication de l'Astrolabe, en la personne d'Eric fait un super boulot qu'on salue, et qui promeut un peu le festival avec des vignettes associées à Romain Évrard qui est ton collègue qu'on salue également. Il fait un super boulot parce qu'il y a des petites vignettes de vidéos qui permettent de découvrir un petit peu. Si vous voulez en savoir plus, il y a un Spotify, il y a le site internet qui est alimenté et qui est assez pratique. Vous avez vous avez une application également qui vous permet de faire votre programme en amont si vous utilisez l'application ou au détriment du format papier. Voilà, tout est bien organisé pour vous passer un bon festival et que vous ayez le temps de préparer ce festival. Vous pouvez y venir sans l'avoir préparé. Il y en a qui le font et qui se laissent porter en fonction des copains, des amis. Voilà. Et puisqu'on parle de communication, jeudi prochain, donc la veille du, pas jeudi prochain, jeudi la veille de Pop-Up, donc jeudi 12, il y aura à nouveau un petit direct depuis les jardins de l'évêché, où, Monsieur Dufaux ici même et Fred Robb probablement de la direction seront cuisinés par moi-même puisque j'ai à nouveau été invité à venir vous cuisiner. Bah écoute, ça a bien fonctionné à la fois ce format-là, est plutôt pas mal parce que les gens, format vidéo, capte les gens, on s'est aperçu les nos physiques avantageux également. Nos physiques attirent toutes les convoitises. Il y a des attentes derrière les grilles de l'évêché. Se bat pour voir Emmanuel Bourdier en personne, en chair et en os. Mais bien entendu, interdiction de rentrer. Les signatures, les autographes se feront après l'émission. Hein. Emmanuel se rendra c'est disponible. Année, des canons à eau seront disposés pour disperser la foule. Je ne dévoilerai pas son numéro de portable, mais voilà. Non, ça avait bien fonctionné. C'est un format qui était chouette et puis on avait passé un bon moment tous les trois. Oui. Voilà. Eh ben on va essayer de réitérer. Ouais. Rééditer. Pardon. Ce sera le jeudi 12 septembre en direct, non pas à la télévision française, mais à l'ORTF. À l'ORTF. C'est ça. Donc on va se passer un morceau de Squid. C'est parti. C'est sur ton ordinateur. Donc je m'éloigne. Je vous en prie. Éloignez-vous. Voilà. C'est parti. Everybody's bored. Voilà, voilà, voilà. Donc il y a deux, trois groupes comme ça qui sont un peu dans cet acabit-là et qu'on retrouvera assez surprenant. Black Country New Road, qui est le remplaçant de Cracklode, qui est un peu dans cet acabit, encore un peu plus psyché, encore plus free, un peu jazz, un peu surprenant. J'ai vu, ils vont du post-punk à des trucs jazz un peu barzouille, à des formations, à des musiques klezmer. Moi, c'est assez improbable. Je les ai vus à Liège, un festival cet été, là. Ils ont la moyenne d'âge, ils doivent avoir entre 16 et 19 ans, le groupe. La claviériste, quand elle est en survêt, et puis quand elle joue pas, elle est comme ça, peinard sur son clavier en attendant que ça se passe. Et puis on se demande si elle joue pas au jeu électronique en attendant. Ils se font pas chier, mais c'est leur attitude. Ils un peu sont comme Chaton, hein, le bassiste. Que j'ai entendu, mais que j'ai pas vu, ouais. Oui, oui, sur scène, c'est ça. Il fait son petit truc de basse en remontant du cul, hop, il s'arrête sur le côté, et puis il attend. On y croise les jambes. Et bah, c'est carrément ça, c'est assez perturbant quand même. C'est drôle. Et voilà. Mais voilà, il y a des petites pépites comme ça, en tout cas, moi que j'aime beaucoup. Et que je suis content d'accueillir et qu'on avait repéré avec Fred à travers les festivals qu'on peut faire tout le reste de l'année, quoi. Bon, ainsi se referme un petit peu notre, non pas qu'un petit peu, carrément, notre dossier spécial au pop-up. Je vous rappelle que le festival, ce sera le vendredi 13 septembre et le samedi 14 septembre. Vous pouvez y aller un jour, vous pouvez y aller les deux jours. Juste avant de terminer, est-ce qu'il y a une erreur ou quelque chose, une modification depuis les programmes et que tu voudrais annoncer ici? Juste le remplacement de Cracklode par Black Country New Road. Donc, le programme étant sorti après coup, on n'a pas pu modifier sur le programme. C'est sur le site. C'est sur le site, ouais. Tout est accessible sur le site. Et puis après, non, tout va bien. Tout va bien. Juste préciser aussi des détails pratiques pour ceux qui connaissent pas le festival. Alors, à la fois, vous pouvez prendre vos places en prévente comme une place normale de concert sur le site opopop.fr. Sachez que on procède avec du cashless pour boire et manger. Donc, vous avez une petite carte qu'on vous fournit. Vous pouvez télécharger sur votre espace déjà un peu de moyens financiers pour gagner du temps. Donc on paye avec une carte qui ressemble à une carte bleue dans laquelle on met de l'argent et puis voilà. Et il y aura de quoi manger dans plusieurs sites, notamment au Jardin de l'Évêché et dans le site du théâtre. Voilà, voilà. Petit détail pratique à son importance où vous y retrouverez un peu de quoi vous nourrir et boire un jus d'orange si le cas vous en dit. 21h02 dans On The Rocks. On va passer maintenant à la programmation du début de saison de l'Astrolabe. Moi, une programmation que j'ai trouvée bien alléchante et qui, voilà, je pense qu'une demi-heure, ça va être un peu court pour moi pour en parler, mais on va essayer. La dernière fois qu'elle était venue, elle, c'était à Saint-Jean-de-la-Ruelle. C'était à l'époque où Fred Salé, que l'on salue, et qui commence brillamment sa carrière de one-man show, hein. Ça y est, c'est parti, il a fait des dates, tout ça, Louis Arthur. Il y a même un podcast et tout. T'es allé le revoir là, récemment, non, ou t'as... Non, j'ai pas revu depuis, mais apparemment ça marche mal. J'ai revu, j'ai eu la primeur, il m'a envoyé le texte modifié du spectacle complet. Et c'est assez alléchant quand on voit le texte. Il a modifié certaines choses et je pense qu'il a bien fait. Et ça a l'air de fonctionner, en tout cas sur le papier. On verra ce que ça donne, Louis Arthur. Donc on te salue. Donc la dernière fois, c'était à Saint-Jean-de-la-Ruelle. Elle revient à l'Astrolabe. Elle avait passé quelques albums à faire le grand écart, un pied du côté d'un rock à la Weezer et l'autre pied du côté de ses racines haïtiennes. Et bien cette fois, avec son dernier album, elle plonge directement les deux pieds dans sa culture haïtienne, puisque l'intégralité de l'album est en haïtien. Un album très très beau, peut-être son meilleur, très sensuel, donc ils sont tous bien en même temps, assez sensuel et à la fois revendicatif, c'est Mélissa Lavaux. Oui, qu'on avait programmé il y a très très très très longtemps à l'atelier, en guitare-voix. Elle devrait, je sais pas si c'est son premier album, je pense à l'occasion. Ouais. Je me demande si elle est pas revenue à l'Astro d'ailleurs, en première partie. Et puis après, oui, effectivement, Frédéric Salé l'a fait. On est content de l'accueillir. C'est vrai qu'elle a pris, elle a sorti beaucoup d'albums en attendant. Tu parlais de grande voix, c'en est une. Oui, effectivement. Elle nous fait découvrir son univers haïtien, l'univers traditionnel haïtien. Donc c'est un beau focus sur son parcours, sur son histoire, sur sa musique. Après, moi, je vous laisse découvrir l'album qui est magnifique. L'album est très très beau. Voilà. Et elle a varié. Elle a pris du. Moi, c'est vrai que la première fois, j'avais été touché par sa voix, mais c'était plus une pop folk un peu traditionnelle avec une belle voix et une femme sympathique. Là, elle varie les répertoires et en s'attaquant à ce vieux répertoire haïtien qui date des années 30, 40, etc. Elle fait un coup de projecteur sur son pays, c'est assez chouette. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur Mélissa Lavaux, il y a une interview dans les archives d'On The Rocks, sur ontherocks.net. Vous allez dans émission spéciale, vous déroulez un peu. Et il y a Mélissa Lavaux qui vous parle avec quelques morceaux. On va se passer le morceau qui ouvre, je crois que c'est le premier morceau du dernier album, Les Ma Mante Chual Mouen, que l'on pourrait traduire par C'est maintenant. Allons-y. Vous écoutez On The Rocks avec Mélissa Lavaux. Mélissa Lavo qui jouera donc à l'Astrolabe. Ça sera une des premières artistes de la saison. Ce sera le vendredi 4 octobre dans la grande salle. Ouais. Et première partie, on ne sait pas. Oui, oui, bah faut que je m'y attelle. Ah non, faut que je m'y attelle. D'accord. Non, oui, oui, non, ne viendra pas. Non, oui, ne viendra pas. Ne se reforme pas. Donc voilà, il y a plein de belles choses donc qui arrivent à l'Astrolabe. Ça va être autour de fin novembre, ça va être assez chaud puisqu'il y a les Young Gods qui reviennent, il y a Archive, ça c'est quand même une des grosses dates. Ils jouent au théâtre. Le théâtre c'est complet pour information. C'est complet pour information. Voilà. Et ben on va passer à quelque chose qui n'est pas complet pour information mais qui risque d'être vraiment pas mal, c'est des petits jeunes qui à force de le dire ne le sont peut-être plus vraiment. C'est Last Train, groupe de rock français qui chante en anglais, qui sont déjà passés pas mal de fois dans le coin, je crois une fois à La Sardine, ils étaient passés au Bouillon, me semble-t-il. Oui, Bouillon, La Sardine, et jamais encore à l'Astrolabe, non. Voilà. Et deuxième album qui va sortir avec deux titres qui sont accessibles avec des vidéos de leur parcours, notamment le dernier clip vidéo, c'est un parcours de eux très très jeunes, déjà qui sont assez jeunes hein, pour le coup, hein, ouais, ils ont du talent. Chanteur étant tourneur, label, éditeur, il fait plein de trucs à côté, il organise un festival aussi, il va vite ce jeu. Il fait très bien le hachis parmentier par ailleurs. Et j'adore ça, ça tombe bien. Et voilà, et donc Last Train, donc on livrait deux morceaux du dernier album, le deuxième un peu moins surprenant, mais alors le premier qui s'appelle The Idea of Someone, qu'on s'est déjà diffusé dans The Rock, c'est très étonnant, ça commence comme du Radiohead grande époque et ça monte et au milieu c'est un peu un climax à la Last Train. Si vous regardez le clip, on a l'impression d'être dans le garage des Peaky Blinders. Morceau vraiment fascinant, donc les Last Train, je vous conseille d'aller voir ça sur scène parce que ça dépote. Ce sera le jeudi 17 octobre. Club ou grande salle? Grande salle. Grande salle, c'est une bonne nouvelle. J'accélère un peu parce qu'il est le retourne. Voici Last Train, The Idea of Someone. As-tu quelque chose à rajouter, Mathieu? Tu as tout dit, formidable. Tout à fait. Someone morceau. Voilà, à chaque fois que je l'écoute, quel morceau? Album peut-être un peu plus introspectif. On va un peu les cuisiner, les Last Train, normalement avec Romain de l'Astro. On va essayer de se faire un petit Astro Micro spécial Last Train. C'est des crêpes. C'est en vraiment, plus ouais, je les ai rencontrés à plusieurs reprises, et notamment le chanteur que je connais très très bien. Donc c'est vraiment des gens super gentils. Ouais. Bon, bah bientôt dans The Rock, son interview, Astro Micro sur le site d'Astrolab TV. Et puis en concert à l'Astrolab, ce sera le jeudi 17 octobre. Enfin, je dis ça s'ils acceptent de faire Astro Micro, mais je pense qu'ils sont gentils. Oui, il n'y a pas de raison. Ils vont dire oui. On continue de se visiter la programmation du début de saison de l'Astrolab. Je voulais parler de Balthazar, mais ça c'est bien plus tard, c'est au mois de janvier, on se reverra, mon cher. Oui, et puis je peux te d'ores et déjà annoncé la venue d'un nouveau groupe à la rentrée 2020, parce que je suis assez fier, j'adore ce groupe-là. Le retour de les Tindersticks à l'Astrolab avec Thomas Bellhomme, qui est un artiste français que j'aime beaucoup, qui est très proche du chanteur de parce qu'ils ont fait plein de musique ensemble puis c'est souvent la première partie. Donc je suis assez content. Ah oui, ça c'est une belle date. Ouais. Et voilà. Donc d'autres vont suivre, mais celle-là elle est pas mal. Il y a Emily Jane White aussi qui va venir en 2020. Oui. Ça c'est plutôt content de la revoir pour la qui était venue dans ses studios à ta place, à ses micros là assise ici. Ouais, elle était venue à l'atelier, elle était venue avant à l'Astrolab et on la revoit dans le club de l'Astrolab. Belle artiste. Mars Red Sky aussi, un groupe français avec un des chanteurs, avec le chanteur de Calque, qui a une voix assez aiguë là, et c'est plutôt un groupe stoner, un trio, très très bon groupe qu'on avait déjà fait dans les tournées bistrophoniques. Voilà quelques nouvelles. Bon, on se reverra. Oui, on en reparlera. Pour en recoser, mais plaisir. Déjà, ça me fait saliver. Voilà quelqu'un qui me fait. C'est peut-être la date. Oui, avec Mélissa Lavo, Last Train, qui me fait bondir le plus, c'est J.S. Onda. Ouais, très très belle voix. J'ai craqué absolument sur son album de ce jeune Africain qui rêvait des États-Unis, qui rêvait de Dylan et qui a réalisé un peu son rêve musical en allant vivre aux États-Unis. Et en livrant un album acoustique classique, très classique. Il invente rien, mais c'est assez magnifique. On retrouve la grâce qu'avaient les tout premiers albums de Tracy Chapman dans sa voix. Il y a un petit peu un certain cousinage, et puis il y a ces folk songs à la Dylan. Et je sais pas quel âge il a. Je pense qu'il est pas vieux. Non, il est pas vieux. Je l'ai vu moi également. Enfin, il est pas vieux à notre âge. Personne n'est vieux en fait. Ouais, exactement. On a tous des âges raisonnables. Il est proche d'une trentaine d'années. Je l'ai vu au Great Escape à Brighton également, sur un format assez court. Donc je ne sais pas ce que ça peut donner sur un vrai concert, etc. Mais la voix, guitare voix, tout simplement, électro-acoustique. Oui, en solo. Ok, dans le club. Dans la grande salle. Grande salle, solo grande salle. Ouais. Il va falloir qu'il remplisse le garçon. Il a fait déjà une première tournée en France qui était assez engageante par rapport à la fréquentation. Donc voilà, j'ai hâte de le voir aussi. Bon, et ben c'est parti, l'album s'appelle Tales of America, le morceau c'est Lebanon et c'est tiré du dernier album de J.S. Ondara qui passera donc en concert à l'Astrolab le mardi 26 novembre avec une première partie. Il faut que tu y mettes. Ouais, là je suis en cours de réalisation sur la première partie. J'aimerais bien accueillir un artiste qu'on a déjà accueilli à l'Astro, donc c'est pas encore confirmé, qui a un trio, qui est un peu la voix de Tim Burton, qui d'ailleurs son dernier album les musiciens qui l'ont accompagné sont les musiciens de Tim Burton. Après, sur la tournée, c'est pas eux. Il a du talent. Moi, je l'avais découvert dans le cadre d'une nuit de l'Alligator, ce gars-là. Voilà. Suite au prochain épisode, j'espère que ça va pouvoir se faire, mais ça serait un magnifique plateau. Il n'y a pas le nom. T'as pas le nom. Non, parce que j'attends de voir la confirmation. Faut être sûr. J'ai déjà donné pas mal d'éléments, quand même. C'est vrai, il y a des indices. Donc, c'est parti. Voici J.S. Ondara avec Lebanon en concert à l'Astrolab. Et ça, c'est une sacrée bonne nouvelle. In the water, fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. Hey, love, I'm ready now. Can't you see this riot inside of my veins? Hey, love, I'm overcome by desire. How must I wait? Hey love, it's been 3 years now since you heard from Jesus of his chosen man. Hey love, you twist and turn till your colors wither, then there'll be no man. In the water, in the fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. In the water, in the fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. Oh, Lebanon, life is brief, don't sit alone. In your constant fear, open up. I shan't be like Canada. Oh, Lebanon, oh, Lebanon. Life is brief, don't sit long. In your constant fear, open up. I shan't be like Canada. Lebanon, c'était... Ah ouais, c'est très très beau. Ouais. Jess Andara, peut-être également, on ne sait pas, peut-être une petite interview, ouais, et peut-être un petit astro-micro. Ah, ouais, ce serait chouette. Voilà, Romain m'a dit oui. Donc si Romain m'a 20, il faut que Jess dise yes. Yes. Et après, je pense que tout ira bien. Un dernier petit morceau, peut-être aurons-nous le temps. Alors j'ai promis à quelqu'un de diffuser un de ces morceaux. Est-ce qu'il y a un artiste dont tu aimerais parler dans cette début de saison? Peut-être qu'on ne va pas se programmer, mais dont on va parler. Tachycardie, qui est à l'initiative du batteur de pneus, qui est un groupe de punk à la base, guitare-batterie, qui plus se lorgne vers les musiques américaines. Et là, ce monsieur a décidé de faire de la musique contemporaine, de la musique répétitive. Donc c'est tout un autre univers. Il a enregistré 3 pièces sur son album qui va sortir chez le label Tourangeau, un je ne sais quoi. La première pièce, elle a enregistré avec ses copains qui sont 14 et c'est ultra beau. La deuxième, elle est en solo. La troisième est en solo. Il vient avec 4 de ses 14 musiciens à l'Astrolabe à Orléans. Ses meilleurs copains. Et voilà. Et avec lequel il m'a demandé, et m'a dit, et il va associer toutes les salles comme ça. Il dit, bah tu as le choix avec 4 autres musiciens hors l'année pour participer. Ah oui. Pour jouer ensemble sur une journée. Joli. Et sur une après-midi, répéter ensemble. Répéter de la musique répétitive. Ouais, leur répertoire. C'est excellemment bien écrit. Ça va sortir, c'est le label Tourangeau, je ne sais quoi. C'est Tachycardie. J'aime beaucoup le personnage, j'aime beaucoup le parcours de JB. Samedi 2 novembre. Voilà. Et associé à un duo qui s'appelle Hyperculte, qui est très très bien. Et Hyperculte, hein, prononce bien. Hyperculte. Pardon. L'éléphant de Frasson. Voilà, c'est important. Et puis Spelterini, qui est un groupe récent dont les membres sont des membres de Papier Tigre, qui est un groupe qu'on a pu accueillir plusieurs fois à l'Astrolabe, qui sont également, que j'ai vu récemment, Papier Tigre avec la colonie de vacances, concept de quadriphonie avec 4 groupes. Maintenant ils font leur propre composition, on est à l'intérieur du cercle et on entend cette musique, c'est magnifique. Bref, ces gens ont du talent, ils produisent des nouveaux répertoires, ils avancent dans leur parcours et on est assez fidèles. Et du coup voilà, ça c'est c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et aussi également menée par Julie Delannoy, elle lance une chorale, donc avis aux amateurs et aux amatrices, tout le monde est le bienvenu dans cette chorale. Le chef de cœur sera Pierre Lambla, qui est un des musiciens vendômois, qui fait plein de choses, notamment des chorales avec des primaires, des instruments. Il fait plein de choses avec des primaires et pas que. Il est à Détroit actuellement, il joue avec des musiciens fous de jazz à Détroit. Voilà, donc plein de choses. Consultez le programme de l'Astrolabe, il s'y passe plein de choses en dehors de la programmation traditionnelle. Julie mène un boulot de dingue. Ouais, on la salue. Voilà, on la salue. Et donc moi juste un petit focus sur Bror Gunnar Jansson. Ouais. Ça va être ça n'est pas pygmé comme son nom l'indique. Ça sera le samedi 16 novembre et ça a l'air d'être plutôt pas mal ça. C'est du blues en Marseille. Ouais, c'est du blues en Marseille. Alors on l'a déjà accueilli à l'Astrolabe. Il était en solo. Là il est en trio. Il sort du blues. Il va être beaucoup plus rock, plus mordant, plus voilà, sur un label qui est magnifique aussi qui s'appelle Milani Records, qui est nommé par un qui est c'est encore un français qui est un fou furieux de musique et qui nous fait découvrir plein de bons albums et de bons artistes, et puis associé à Bongeziwe Mandala qui lui est un artiste qui est déjà venu jouer à la guinguette, qui est pas dans le même genre, mais c'était l'idée de pousser un peu les frontières musicales afro-folk d'Afrique du Sud. Voilà. Donc deux belles voix avec deux musiques différentes mais complémentaires sur un beau plateau. Bon, merci Mathieu, on se revoit au pop-up, je te merci cuisine Manu. En direct à la télé, on se reverra à ces micros pour la deuxième partie de saison Balthazar, etc. Tindersticks. On en reparlera peut-être éventuellement de ces rumeurs de déménagement de l'Astrolabe qui recourent à nouveau. On pourra en parler avec Fred si tu le souhaites aussi. Ah bah avec plaisir, ouais. Parce que ça a l'air de se concrétiser cette histoire. Je vois aussi qu'il y a les 25 ans de Radio Campus à Orléans. On les salue samedi 7 décembre, peut-être qu'un jour il y aura les 30 ans d'On the Rocks. Ah bah avec plaisir. Ah bah avec plaisir. Un peu de live, voilà, bah pourquoi pas, on en recause, on a 3 ans pour en causer. C'est ça. On termine avec, avant de retrouver Rémi qui va nous expliquer pourquoi l'USO Foot n'y arrive pas cette année. Pourquoi Neymar ne part pas au Barcelone? Pourquoi Neymar ne part pas tout court? Bah, voilà. Voilà, Rémi va peut-être vous expliquer tout ça dans l'arrêt d'arc du sport dans quelques instants. Pourquoi quand on marche longtemps on a des ampoules aux pieds? Donc, pourquoi la France a gagné contre l'Allemagne au basket hier? Voilà. C'est ça. Tout ça, on va vous le raconter sûrement dans l'arrêt d'arc du sport. Et on termine avec un morceau. C'est une nouveauté et un artiste qui m'a fait confiance en me confiant son petit bébé, son nouveau morceau. Merci à lui. Il s'appelle 27 mars, Paris-Normandie. Je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao. Merci Mathieu. Salut Manu. your morality affect your imagination, girl. Cause this ain't the time or place for it, my love. Girl, why don't you give yourself a break? Find out what's your favorite mistake. Don't let your integrity affect your imagination, girl. Cause this ain't the time or place for it, my dear. I get the wrong vibration. I get the wrong vibration. One day you'll make something.